Det gør I da alle, der er far. And, you know, music is... Det gør I da alle, der er far. Musique. Vous êtes avec Simon Roy. On va passer la prochaine heure ensemble. Nouvelle case horaire pour l'émission. Donc, habituellement, c'était à compter de 21h. L'émission est un petit peu plus tôt maintenant. Donc, pour ceux qui découvrent l'émission, ben, Web Musique, c'est assez simple. Je vous fais passer de la musique en téléchargement gratuit. Donc, je fais le tour des internets pour vous. Puis, c'est ça, je vous bâtis une sélection de musique. Souvent assez éclectique. Cette semaine, ça va être plus centré côté musique électronique, mais on va dans toutes les directions d'habitude. Donc, émission avec beaucoup de musique différente la plupart du temps. Mes goûts sont vraiment éclectiques, donc ça va se refléter dans la programmation de l'émission. Pour télécharger les pièces, ben, c'est assez simple. Vous vous rendez au www.webmusique.ca. Sur la page de l'émission, donc, vous allez retrouver les liens vers les artistes, les netlabels, et donc toute l'information qu'il vous faut pour télécharger les pièces entendues à l'émission. Si jamais vous manquez des bouts d'émission, ben vous pouvez avoir accès à la balado-diffusion. C'est disponible sur le site, souvent le soir même, quelques heures après l'émission. Donc, vous pouvez télécharger et écouter l'émission donc en tout temps. Vous n'avez pas besoin de tout arrêter pour écouter la radio. Vous pouvez l'écouter quand vous voulez. Donc, ben c'est ça. Sans trop, on va poursuivre l'émission avec... je vais vous faire passer pour la première demi-heure trois albums différents, deux pièces par album. On va débuter avec un artiste de la ville de Morristown aux États-Unis. Il s'agit de Anitech. Je vous fais passer deux pièces qui sont sur son album « Mind Express ». L'album Mind Express qui a été publié sur Dusted Wax Kingdom. La première pièce s'appelle Blueprint, ça va être suivi par Sarcasm. Vous allez voir deux pièces excellentes sur Dusted Wax Kingdom par l'artiste Anitech. We'll be right back. C'était un être assez tordu du nom de Annie Tech, un artiste de la ville de Morristown aux États-Unis. Vous venez tout juste d'entendre sa pièce Sarcasm, précédée par son autre pièce Blueprint. Donc, deux morceaux qui se retrouvent sur l'album Mind Express, publié sur Dusted Wax Kingdom. Pour la suite de Web Music, je vais vous proposer un artiste du nom de Ras Amerlock. Je vous fais passer deux pièces. C'est la thématique pour cette demi-heure, donc. On va entendre la première pièce qui s'appelle le New Fuck Round. J'ai aucune idée en quelle langue que ça peut être. Ça va être suivi par la pièce Spy vs Spy. Donc, deux pièces qui se retrouvent sur l'album Dub Square par, donc, comme je vous disais, Ras Amerlock. C'est publié sur LCL Netlabel. LCL pour Libre comme l'air. Un Netlabel assez particulier. Donc, il publie en anglais et en français en même temps sur la même page. Donc, assez facile d'avoir toute l'information juste d'un coup d'œil. Donc, on écoute ces deux pièces-là tout de suite à Web Music. We'll be right back. Complètement cacophonique par l'artiste américain Ras Amerlock, un artiste de la ville de Milwaukee, Wisconsin. C'était la pièce Spy vs. Spy, précédée par la pièce New Fuck Round. Donc, deux pièces sur l'album Dub Squared, publié sur LCL Netlabel. Donc, un album, je vous invite à le télécharger, ça vaut vraiment la peine. Musique dub vraiment différente. Pour la suite, on va poursuivre avec un artiste du nom de Clear Planet, deux pièces sur son album, excusez-moi, Keygen for Matrix. Donc, on va entendre tout de suite la pièce What We See. Ça va être suivi par la pièce Keygen for Matrix. Donc, ça se retrouve sur un album publié sur Akashic Records. On écoute ça tout de suite à Web Music. Thank you. 70 000. C'est précisément le nombre de personnes qui écoutent CKRL 89.1 dans la grande région de Québec et les environs. Depuis 1973, grâce à vous, CKRL se construit, se bâtit, évolue et grandit. Toujours à l'écoute. Aujourd'hui, la plus vieille radio communautaire en Amérique du Nord, voire même dans le monde, CKRL est toujours là. Grâce aux milliers d'animateurs, de réalisateurs, de collaborateurs qui ont animé ces ondes. Et grâce à vous, auditeurs et auditrices toujours nombreux, toujours à l'écoute. Merci de laisser CKRL 89.1 cultiver vos goûts depuis 1973. Québec présente sa toute première loterie, Évasion Nature. Contribuez à la préservation des êtres en vous procurant votre billet au coût de 20 $. Vous pourriez gagner un de nos 4 prix, dont notre grand prix, un Dodge Ram 1500 et une Roulotte ProLife de 19 pieds. Plus de 100 000 $ en prix. Procurez-vous votre billet au coût de 20 $ seulement dès maintenant dans les bureaux d'accueil des 63 êtres du Québec. La loterie Évasion Nature au profit des êtres du Québec. En partenariat avec Canal VAP et Radio Vision. Pour plus de détails, visitez le www.québec.com. Nicolas Dumont vous invite tous les lundis dès 18h30 à explorer un monde de mariage illégitime aux saveurs country, folk, blues et garage. Bienvenue chez les bâtards. Seulement au 89.1. Cultive tes goûts. Ancré dans l'histoire et la vie du Faubourg Saint-Jean-Baptiste depuis 1939, la Tabagie Saint-Jean fait aujourd'hui figure d'institution. Revues, magazines, commodités en tout genre incluant bière, vin, café, choix de viennoiserie et autres sucreries. La Tabagie Saint-Jean connaît le tabac. La Tabagie Saint-Jean, 620 rue Saint-Jean, 418-522-5923 pour les livraisons en semaine. Venez aussi découvrir en exclusivité le système électronique HD Smoke et rendez-vous sur tabagiesaintjean.com. CKRL 89.1, les Québec. De retour à Web Musique, vous êtes toujours en compagnie de Simon Roy. Donc, tout juste avant la pause, on entendait l'artiste ukrainien Clear Planet avec deux pièces tirées de son album Kijen for Matrix. Donc, la pièce tout juste avant la pause, c'était Kijen for Matrix et c'était précédé par What We See. Donc, deux pièces publiées sur Akashic Records. Pour la suite de Web Music, je vous propose l'album Les Chimères Exquises par l'artiste français Lonnie Renault. Donc, on va entendre deux pièces. On va entendre tout de suite la pièce Au Palais. Ça va être suivi par la pièce Les Chimères Exquises. Donc, deux pièces publiées sur Buddha Beats, un netlabel qui nous vient de la ville de Budapest en Hongrie. Un netlabel que je vous recommande, c'est toujours des bons albums. Donc, on écoute tout de suite la pièce Au Palais par Lonnie Renault. Thank you. C'était deux pièces du français, donc l'Onironaute, qui vient de la région du Midi et des Pyrénées. On vient tout juste d'entendre la pièce Les Chimères Exquises, c'est ce qui donne le titre à l'album. Avant ça, c'était la pièce Au Palais, donc deux pièces publiées sur Buda Beats, un excellent net label de la ville de Budapest en Hongrie. Pour la suite, ben, on va se diriger donc du côté de Serbik, un artiste de la ville de Londres. Je vous fais passer deux pièces. La première s'appelle Angu. La seconde, j'en ai aucune idée. Je vais faire quelques recherches, puis je vais poster ça sur le blog de l'émission. C'est deux pièces tirées de son album No Means Yes. Vous allez voir, vraiment bon. Publié sur Bubble Electro. Un net label qui malheureusement publie un site en flash, donc pas facile d'avoir l'information. Donc, ben c'est ça, on écoute tout de suite la pièce Hongu. We'll be right back. C'était l'excellent Serbic, un artiste de la ville de Londres, publié sur Bubble Electro. C'était sa pièce Yusus, précédée par son autre pièce Ongu. Deux pièces qui se retrouvent donc sur son album No Means Yes. Ça va déjà être tout pour Web Musique. Tout de suite après, c'est Hugo Centric qui va suivre l'émission. Donc, restez à l'écoute, ça promet. On va se quitter sur une dernière pièce assez mongole, merci. L'artiste s'appelle Zougou. La pièce s'appelle Crazy. C'est publié sur Vatican Records. Si ce n'est pas déjà fait, allez faire un tour sur Vatican Records, un net label complètement déjanté. Ça n'a juste pas d'allure. Qu'est-ce qu'ils ont à offrir comme album? Donc, ben c'est ça, on se quitte là-dessus. On écoute la pièce Crazy par Zougou. Culturelle de Québec avec l'émission En direct du Sacrilège. Un rendez-vous incontournable entre 17h30 et 19h30 pour tout connaître sur la vie culturelle d'ici. En direct du Sacrilège, pour vivre ce qui se passe en ville, bien branché sur la relève. En direct du Sacrilège, une présentation de la bière boréale, de Pastissimo Maître Traiteur et du bar Le Sacrilège, 447 rue Saint-Jean. Chaque mardi et vendredi, les soirées de CKRL sont présentées par le Bal du Lézard. Semblable à l'image du 89.1, le Bal du Lézard fait dans la diversité colorée. Un lieu de rencontre culturelle branchée, art et musique. Entrez dans la danse du bal avec comme trame sonore les soirées du mardi et du vendredi à CKRL. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue, 418-529-3829. CKRL 89.1.